On a tous l'impression d'être atteint par le syndrome de Cassandre. Même si nos seules certitudes c'est qu'on va finir en tas de cendres. On va pas se pendre pour si peu, c'est pas dans nos principes que l'on se donne la mort, on préfère s'en remettre à Dieu. Même si parfois l'esprit est traversé par le doute, doit-on continuer à se battre sans savoir pourquoi nous nous battons, hein? De toute façon notre mal-être est marqué par une bipolarité. Nos histoires sont souvent tristes, n'ont une petite moralité. L'idée de quitter ce pays, partir loin nous effleure. Mélancolie nous fait peur, pourtant l'inertie nous écœure. Il y a plusieurs catégories, je fais partie de celles qui observent. Mais je ne pointe personne de l'index car au fond nos fautes servent. Sculpte ton caractère jusqu'à ce qu'on puisse t'apprécier. Mais affûte tes idées claires jusqu'à ce qu'on puisse les accepter, okay. Sache qu'en théorie nos vies sont dictées par nos actes. On travaille, on se plaint, on pleure et au final on s'acclimate. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis lui prendre sa place. Là c'est d'être au banc des accusés. Que la seule vie du monde écœure. Une seule vie mise à l'écart mérite qu'on le rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant niquer le reste. On n'aura jamais à refaire ce que la vie met en berne. Aux yeux de laquelle nous ne sommes en fait que poussière sur le sable. Alors autant qu'elle soit belle et que jalouse vos lanternes. Mais qu'à terme elle se sente plus désirable. Et tant pis si de honte certains se meurent. Nous on pleure encore les absents vestiges de nos erreurs. Je te parle de ces erreurs qui oublient vite que le temps agit. Meurent d'une hémorragie et heurtant ce monde plié sans réagir. Mais lorsque le vide monte et te hante, tente de prendre le pas, le canon sur la tempe. L'attente se fait longue et personne ne demande. Mais à la longue on te plante des plaintes dans le ventre. On n'aura jamais à refaire ce que l'on a perdu. Tenté par la merde autant que la vertu. Chanter pour guérir de cette amertume et vous dire qu'on se complaît dans ses rêves. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis lui prendre sa place. Là c'est d'être au banc des accusés. Que la seule vie du monde écœure. Une seule vie mise à l'écart mérite qu'on le rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Ce que le temps nous laisse. On n'aura jamais à refaire ce que l'horloge nous a volé. Avec le temps tu prends conscience que la traîtrise t'a épaulé. Si entre nous des tensions naissent, je ne ferai rien pour les adoucir. Je reste un grand singulier face au pluriel de la jalousie. On aura tout ce que l'on mérite, même si c'est peu dire. Le monde abrite tellement de merde que l'on n'a pas assez d'une vie. Mais c'est bien telle qui nous file entre les doigts. Nous fait pencher vers la foi, mais la folie nous rattrape du bout des doigts. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis lui prendre sa place. Là c'est d'être au banc des accusés. Que la seule vie du monde écœure. Une seule vie mise à l'écart mérite qu'on le rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant on n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste et puis lui prendre sa place. Là c'est d'être au banc des accusés. Que la seule vue du monde écœure. Une seule vie mise à l'écart mérite qu'on la rappe. On n'aura jamais à refaire ce que le temps nous laisse. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant niquer le reste. Autant niquer le reste. Alors autant niquer le reste.